psychothérapie. Peut-être une victoire française et un maillot jaune, peut-être. Franck Fitzik. Et oui, c'est vrai qu'avec lui, on n'est jamais déçu. Il y a toujours quelque chose à dire. Let's sort de ce corps. Je vois là-bas le peloton. Pam, pam, pam. Bonjour, c'est le jour du départ. Voilà, je me trouve actuellement à la gare de Lille-Flandre. Comment j'ai atterri là, vous allez me demander. C'est une très bonne question. C'est grâce à la programmation des trains de la SNCF. Bon, moi, j'adore les cheminots. Hein. Je suis de leur côté. Mais là, il y a une couillasse. Alors, ouais, j'ai déjà fait 10 bornes aujourd'hui. C'est fou. Pour arriver jusqu'à la gare de Valenciennes. C'est là où il y a une incompréhension. C'est pourquoi tu te retrouves à Lille, quoi. Là, tu montes alors que tu devais descendre. C'est vrai. Je rappelle que je dois arriver à Amiens, qui était censé être le premier point de départ. Mais vu que j'ai déjà fait 10 bornes, au final, est-ce que le départ n'est pas déjà lancé, messieurs, dames? Moi, je pense que si. Alors là, je me suis retrouvé à la gare, parce que j'arrive à la gare de Valenciennes et j'avais un ticket TER pour Amiens, puisque Amiens, c'est dans les Hauts-de-France aussi. Et patatram ou patatrac, je ne sais pas. Patatrac ou tralalam, j'arrive... Et c'est un TGV Inuit qui est à la place de mon TER. Même numéro, même programmation, même trajet. Destination Paris, arrêt Arras. Il y avait un changement à Arras. Et c'est un TGV. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette couillasse? Moi, j'ai pris un ticket TER et c'est bien ce train-là. Comment c'est possible? Alors, je vais voir le contrôleur. Et le contrôleur me dit, ah ben non, vous pouvez pas prendre votre vélo. C'est un TGV. Je dis, bah oui, mais moi, j'ai un billet de TER, c'est le même train. Il me dit, bah oui, parce qu'il fait TER d'abord jusqu'à Arras. Et après, il fait TGV jusqu'à Paris. Ouais, bah super, bah bravo les gars. Hein. Ouais. Même lui, il m'a dit, non mais c'est n'importe quoi leur truc. On a tout le temps le problème. Alors bon, faut pas demander. Donc bon, heureusement, 10 minutes après, il y avait un autre train. On ouvre la partie pour Lille. Et ensuite pour Amiens. Voilà, 11h53, vous le saurez. Alors qu'en plus, je l'avais appelé hier, je sais plus, les gars de la SNCF, c'est une femme qui m'a répondu. Une énorme conne. Je lui ai dit, bonjour, demain je prends le TER de Valenciennes à Amiens et il n'y a pas d'information si c'est possible de prendre des vélos ou pas. Donc, je vous pose la question, est-ce que c'est possible? Et puis là, elle me dit, ben monsieur, évidemment que c'est possible sur tous les TER du Hauts-de-France. Ah ouais? Eh ben alors, hein, qu'est-ce que t'as à dire maintenant, grosse conne? Hein? Moi, j'ai pris un ticket TER sur un train nommé TER. J'arrive déjà, c'est un TGV, je peux pas mettre mon vélo dedans. Ah bah bravo, hein, énorme conne. Bon. Oh là là, je viens d'arriver à Amiens. Du coup, en train, voilà. Il est 13h30, je crois. 13h40 même. Je suis face à la cathédrale d'Amiens. C'est magnifique. Alors vraiment, c'est bien parce que j'enregistre, mais sinon, je ferme ma gueule. Le nombre de détails, des sculptures et tout, c'est impressionnant. Allez voir sur l'Instagram. C'est assez fou. C'est assez fou. J'ai pas d'autre mot à dire. Le nombre de statues, de personnages... De même l'arche, ne serait-ce que toutes les arches, il y a trois grandes arches, toutes les arches sont ornées il y a au moins 100 ou 200 personnages d'environ 50 cm de haut. C'est assez impressionnant. Bon, c'était assez sympa ce trajet, il est passé assez vite de Lille à Amiens, parce que j'ai rencontré deux... Enfin, je me suis assis à l'endroit pour les vélos, évidemment, et puis il y avait deux photographes hollandais qui étaient là. Ils voyageaient de Amsterdam jusqu'à Ibiza. Ils faisaient quelques étapes en France. Et ils voyageaient avec leur trottinette électrique, tiens. Ils s'arrêtaient en train dans des villes et puis ils visitaient la ville en trottinette électrique. Je me suis dit, tiens, c'est pas con comme manière de voyager. Si on veut voir des villes dans une période de temps assez courte, c'est pas plus mal. Et du coup, on a discuté pendant tout ce temps-là. Voilà, c'est deux journalistes, un plus vieux que l'autre, un beaucoup plus vieux que l'autre d'ailleurs. Je pense qu'il avait au moins 15 ans de plus. et enfin c'est pas des journalistes, c'est des photographes du coup, et il m'a dit qu'il était photographe pour tous les magazines papier de Hollande. Alors ça doit en faire un paquet. Et qui transmettait ces lieux favoris là à l'autre, ils se prennent 5 semaines pour faire les lieux favoris, et même il écrivait un livre. Donc là je vous donne rendez-vous en 2025 ce qui m'a dit que ça sortirait en 2025, un livre sur Ibiza parce qu'il a vécu à Ibiza. Et bon voilà, je vous fais la story, l'histoire courte. Il me racontait qu'à Ibiza il avait vécu là-bas et qu'en fait il s'était promis de revenir tous les 6 ans pour reprendre des photos des mêmes endroits, etc., pour montrer l'évolution de Ibiza depuis 2004. Et donc il le ferait jusqu'en 2024 et sortira son livre en 2025. Voilà, c'était intéressant d'écouter un peu leurs histoires. Évidemment, ils m'ont raconté plein de trucs de comment à Amsterdam ils arrivaient à être, il arrivait à être premier sur les lieux des crimes en écoutant la radio et la radio de la police. Ah, voilà, c'était un trajet assez fun. J'ai activé le GPS et là on est parti pour une après-midi, la première grande après-midi de ce tour à vélo. Après ça, après Amiens, je pars en direction de Rouen. Du coup, là je me tape à peu près 55 km, mais c'est 55 km pas facile du tout. En fait, il faut savoir que donc j'ai traversé la Somme, l'Oise et la Seine-Maritime, et c'est très très vallonné. Et même les gens ici à qui j'ai parlé m'ont dit, écoute, t'as bien du courage, parce qu'avec les côtes qu'on a, c'est pas facile. Et effectivement, il y en a quelques-unes que j'ai dû faire à pied, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Je parle pas très fort, parce qu'il y a des gens à côté de moi et je suis dans ma tente. Pour faire ce petit débrief. En tout cas, j'étais en direction de Aubagne, parce que j'avais vu sur internet un camping municipal. Je me suis dit, parfait, c'est parti pour Aubagne. Je monte la côte, là il y a une énorme côte, vraiment énorme côte pour aller jusqu'au camping municipal. J'arrive en haut, il est déjà 19h, je me dis, parfait, j'arrive à 19h, c'est nickel. J'arrive en haut. Énorme affiche à l'entrée du camping, nous n'acceptons que les camping-cars et les mobil-homes. Et là, je me dis, merde, c'est la chiasse. Parce que le camping suivant, il a 23 bornes. Donc, c'est compliqué. Donc, je redescends, je m'en vais sur la petite place du village. Je m'arrête au PMU, il n'y a que ça à faire. Tout ça pour demander aux gens de l'aide. Et vous allez l'écouter, vous allez l'entendre. Tout le monde s'est mobilisé pour me trouver une solution d'hébergement. Donc là, oui, c'était un peu compliqué. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah oui, quand t'arrives comme ça, le soir, je l'ai trouvé. Non mais il y a un truc pour mettre sa tente. Un endroit pour qu'il mette sa tente, ouais. Ah là, il n'a pas de place lui dans son terrain. Et où ton grand? Ouais. Oui, mais enfin. C'est une chanteuse. Ah ouais, non, mais il est prêt, bah, tu sais, il est en. Ouais. Mais tu connais pas mon robe, hein, où il pourrait être où il pourrait planter sa tente sans être embêté, sans bah, plus personne. Voilà. Voilà. Enfin, qu'il se mette hors la loi, quoi, qu'il aille dans un truc, s'il met sa tente pour venir regarder sa tente plantée, quoi. Après, il y a des dans la loi. Ouais. Alors, voilà. Voilà. 5,50€. Non, mais c'est pas grave, c'est ce que c'est. Ça, t'en veux plus? Bon, bah là. J'arrête. C'est un conseiller municipal, il va dire à peu près. S'il n'y a pas un endroit où on peut planter sa tente sans être embêté. Okay. Il arrive dans 5 minutes. C'est gentil, merci. Non, mais ça, c'est bien. Après, Philippe, t'appelles la mère. Ah non, jamais. 25 ans. Non mais pas de la famille, pas des pères. C'est bizarre, je te connais vraiment bien la région. Mais jusque Dunkerque. Ah non, tu voudrais pas croire en. Ah non. Vous avez fait tout le tour du Nord. Oui, du Nord. De l'Aisne, où je suis de l'Aisne. D'accord. Mais Valenciennes, ouais. Ah bah. Et vous trouvez une place, vous trouvez une place, ça y est. La prison de balle. Oui, Alain. Oui. Oui, même, Alain. Même une jaune, hein. D'accord. Et bon, bah, il t'attend. Merci. Il a trouvé des trucs comme ça parce que, tu sais, j'ai commencé à mettre l'heure. Bon, bah, il a trouvé. Il arrive dans une minute. Et après, c'est magnifique. Bah, voilà. Merci. Hein. Super. Les gars, ils avaient plein de clients. Bah, je sais pas, il m'a dit j'ai trouvé, bah, pour mettre une tente, il y a quand même bien une place. Hein. Oui, mais il voulait mettre sa tente. Non, mais pas forcément. C'est pas possible parce que toi, t'es un sauteur. On va bien voir. Tout à l'heure, j'étais passé à côté d'un établissement qui était plein. Ah ouais? Donc, je sais pas si c'était l'envol, la bambou, peut-être. Non, c'est une magnifique maison en bois. Avec des poutres en bois et belges. Ah, mais c'est la ville des Houes, peut-être. Ah ouais, c'est. Ouais. C'est tu vas aller au château. C'était magnifique. Ah ouais, là-bas. Dans la soirée, ouais. Où il y a les toboggans. Ouais, mais ça, c'était rempli. Ah, mais c'est pas où il y a les toboggans, c'est un peu le piscine municipal. Ouais, mais c'est la ville là-bas, la ville des Houes. Non, non, mais c'est la ville. Non, mais la ville des Houes, elle est à côté. C'est toi aussi. C'est le piscine municipal. Ah ouais, mais elle est juste à côté. Non, je croyais qu'on pouvait penser que ça appartenait. Ah non, mais quand on a passé, on croyait. Il y a combien d'habitants alors pour que vous connaissiez tous ici? Bah, ici, 2100. Mais toi, t'en fais pas partie, t'es de Beauvais. Pas les gars de Beauvais, rien à faire. Tu t'en rends croisé là, ce matin en faisant signe bonjour. Non, parce que, il reconnaît eux. Il reconnaît personne. Ça, c'est un Harley Davidson. Non, il est pas sûr. Bon, Monsieur Tétu, me dites, vous veux-tu se désaltérer? Mais normalement, quand t'es assis à table, un café. Ah non, j'ai attiré ma machine. Oh, mais attends, mais j'ai un intercès. Mais retiens ton masque, t'es assis à table, t'as plus de ton masque. Non, mets-le. Mets-le. Qu'est-ce qu'il y a gamin? Attends, il va me faire perdre. Ouais. Il garde son masque. Moi, je voyage, c'est moi le plus dangereux, je voyage. Ah ouais. Bon, il voyage seul, donc il reste en air. Ah, c'est sûr, c'est en vélo. Oh, combien de jours, parce qu'on doit être hop, Camille. C'est quand même un village sympa, ils font déplacer le conseil municipal pour être plus logé. C'est bien, ils sont vachement sympas ici. Non mais là il va arriver. Sinon on aura appelé Virginie. C'est le futur maire. C'est son bras gauche. C'est le futur premier adjoint. Non mais il est gentil. Non mais il est gentil. Il rend service. Il connaît tout. Il connaît tout. Déjà bien. Déjà, l'appartement, après, c'est bien. Hein. Non, bah, on exagère. Ça va aller donc? Oui, t'inquiète pas là. Ça va aller. T'inquiète. Ah, parce qu'il y a deux Alain du coup. Non, il y a trois. Il y en a il y en a beaucoup plus. Que ça. Au début, j'avais l'impression que tout le monde s'appelait Alain aussi. Hein? Incroyable. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a Alain. Il y a Alain le fol. Il y a Alain, mais il y en a, je ne sais pas combien. Tout le monde s'appelle là. Bah, Alain qui va arriver, c'est un Alain. Ah, c'est un faux Alain, c'est déjà Alain. T'as plus lu, je crois. Qu'est-ce qu'il donne dans l'entrée? Non, c'est pas Bon, bah, bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Il faudra dire que je vais arrêter dans le café des Alain. Ah, ben là, monsieur le maire. Bonjour. Voilà, Alain. Encore un Alain. Pareil, vous êtes l'homme de la situation. Alain. Alain. Allô, Donc le jeune homme là, si tu veux, il va t'expliquer. Ben non, mais je visite la région à vélo et puis je suis monté au camping et je peux pas camper. Ouais, on a fermé. Et du coup, ben voilà, je demandais ici s'il y avait un endroit. Oui, j'ai trouvé. C'est vrai? Un kilomètre là, ouais. Parce qu'il a déjà fait beaucoup de vélo, alors il préfère pas. Alors il est monté au camping. C'est déjà monté au camping. Il va pouvoir lui dormir. Non, et c'est monsieur PMU, c'est monsieur. Attends, deux jours de peinture non-stop, je te dis pas. J'ai fait tout fini. Ah, ça y est. Ah, ouais, ça y est. Ils vont pas cher, sinon. Depuis ce matin, 7 heures. Ah, ouais. Ah, j'ai fait ce matin, 5 heures. Ah bah, de toute façon, je suis levé de bonheur. Okay, bon, il finit sur... Alain, c'est le gars ici qui connaît tout le monde. Il a travaillé pendant 42 ans au PMU où je me trouve à ce moment-là. C'est l'expert hippique. C'est lui qui enregistrait tous les cartons de Paris pour les courses hippiques, tout simplement. Pour le PMU, quinté plus. Donc il connaît tous les jockeys, il connaît tous les chevaux. Et c'est le conseiller municipal, le brebeuf de la mer, comme on l'a dit, comme on l'a décrit. Et donc il va m'emmener voir lui, à peu près 1 à 2 km un peu plus loin de cette ville. Ah, fallait être à l'heure, hein. Moi, quand je faisais le PMU à Beaucamp, c'était comme ça. Hein. Ah, bah oui, Biron, oui. Déjà au départ, à Biron, mais il montait à Beaucamp. Et à Beaucamp, il repartait sur Abraham. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah, ouais. À cette époque-là, il fallait. Oui, oui. Il fallait qu'il soit à l'heure pour. On fermait vraiment à l'heure, c'était vraiment. Tu ne pouvais pas te permettre de. Et tant que tu fasses ta caisse, tant que tu. C'est quand même pratique maintenant. Et ils transportaient l'argent dans sa coche, avec les tickets. Hein. Ah ouais. Bon. Ah, les postes trompés. À cette époque-là. Ah non. Moi, j'ai connu ça. Ouais, il va y avoir un peu de. Non de vol ou de. Non. Non, jamais. Ce s'il faut tout se trimballer. Non, on n'a jamais rien de problème. Du coup, vous portiez tout là-bas et là-bas, ils faisaient l'enregistrement. Ah oui. Non, on enregistrait les tickets. Enfin, voilà. Et là-bas, bah, c'était manuel. Hein, ils refaisaient tout manuellement là-bas. Ah ouais, c'était. Ah ouais, ouais. C'était une autre ville. Et nous on n'avait pas de calculatrice, rien. On comptait toute tête. Hein. Tant de tickets, tant de quartés. Bon, à cette époque-là, on n'avait pas le quintet. T'es tiercé, après tiercé, quarté. Ça me permettra de vous tuer. T'es en France. Bon, on va y aller. Allez, je vous suis. Il veut pas voir l'arrivée du tiercé. Attends pas l'arrivée. J'en rentrerai à la maison, je vais pas vous déranger. Non, mais vous êtes en famille, je voudrais pas vous. Ah, si, tu peux attendre l'arrivée, on discutera après. Non, mais non, mais attends. Pourquoi que je. Ah, t'as des obligations. Ah, bah oui. Non, c'est trois fils, c'est qui est là, j'ai un paquet de corps. 3 minutes, attends. Allez, on y va. Merci beaucoup. On se reverra dimanche prochain. Merci beaucoup et puis bon courage avec le commerce du coup. Merci. Hein. Bah bon. Vois, vous avez de quoi tenir le bar. Donc ça va. Bon, merci. Bon tour de France. Voilà, merci. Bon tour de France. Merci de votre gentillesse en tout cas. Bonne soirée. Bonjour. Bonjour. Et toi? Bonjour. Bonjour. Donc c'est monsieur, voilà. Si vous êtes avec tous les tableaux. Ah mais moi je suis pas chez moi. Attends, t'es encore chez moi. Bah oui. Non mais c'est bon. C'est pas forcé, hein. Vous n'êtes pas forcé. Hein. Vous restez jusqu'à quand? Non, mais il n'y a pas de demain. Demain c'est juste pour dormir. Si c'est possible, ça serait magnifique. Et puis, oui, il n'y a pas de soucis. Tout à l'heure, vous étiez mal. Ouais. Vous avez été au PMU. Ouais, alors je ne vous cache pas qu'ils m'ont fait un peu trop boire. Ah oui. Ça a été pour faire du vélo? Bah, il m'a fait courir. Hein. Bah, ça serait très gentil, hein. C'est gentil. Et vous faites quoi alors au Tour de France? Non. Ouais. C'est vrai? Ouais. Tout à l'heure, je vous ai vu dans le Val. C'est vrai? Ah, voilà, Michael. Moi, j'ai vu le vélo tout à l'heure, j'ai dit il est chargé. Bah, ouais, mais je suis monté au camping. Bah, et... chez vous, moi. Bah, c'est gentil, merci. Ouais, ouais, bah, faites comme chez vous. Je garde quand même le masque, on sait jamais. Vous pouvez prendre une douche, c'est pas de soucis. Ah, oh bah c'est gentil, merci beaucoup. Ah, vraiment. J'ai vu passer tout à l'heure. Je dis, moi, je dis, lui, il est chargé, il dit, il doit faire une grande randonnée en vélo. Bah, ça me dérange pas. Bah, c'est vraiment gentil, je vous remercie beaucoup. Pas de soucis. Merci beaucoup. Vous appelez Muriel. Monsieur Muriel, D'accord. Son beau-frère, il est capitaine des sapeurs-pompiers en mal. Ah bon? Non, il est capitaine. Lieutenant. Non, il est au-dessus. Et vous faites vous roulez combien d'heures par jour? Ah là, ça fait beaucoup. Là, ça fait au moins 7 heures. Là. Ouais. Puis dit aujourd'hui, ça a dû. Donc il a besoin de repos. Ouais. Ouais. Bon. Ouais. Bah ouais, c'était un peu dur. Moi, bon, après, ça me dérange pas. Bon. Ouais. Bah c'est très gentil. Écoutez, je veux me faire discret. Il n'y a pas de problème. Je vous dis, c'est juste pour la nuit. Voilà. Direction Rouen ensuite. Effectivement, je fais le après, tour de Rouen. Après, là. Ouais. Donc, ça sera pas là. Ouais. J'y étais hier, ce matin à Rouen. À Rouen, ah ouais. Qu'est-ce que vous me conseillez de voir là-bas? La cathédrale. Bah, la grande horloge. La grande horloge. La rue de la grande horloge. Il y a l'horloge, la grande horloge. Okay. Par contre, on appelle. Oui, mais dans la rue du grand horloge, il va avoir le droit d'y aller avec son vélo. Oh, à pied. Oui. Ah, si, avec un masque. À pied, avec un masque. Oui, oui. Oui, en marchant à côté du vélo, quoi. Oui. Ouais, ouais. Ah, c'est beau à voir. La rue Jeanne d'Arc, là, où elle a été brûlée. Ah non, ça vaut le coup. Hein. Ah, okay. Ah oui, Rouen, c'est beau. Hein. Ah oui, il y a de quoi voir. Après, ouais. Après, vous faites quoi? Tout le tour. Tout le tour de France. Là, vous en êtes arrivé là, j'arrive de Valenciennes. C'est mon premier jour, là. Ah d'accord, vous commencez seulement. Ouais, ouais. Donc là, bien, il arrive au camping normal. Je veux dire à Virginie, je te remercie. Et puis aujourd'hui, vous avez fait Valenciennes au mal. Alors, j'ai fait Valenciennes jusqu'à Amiens. Oui. Et après, j'ai fait Valenciennes-Amiens en train. Ah oui, d'accord. Et après, j'ai fait Amiens ici, vélo. Ouais. Mais Amiens ici, bon. Bah, honnêtement, je pensais que ça allait bien se passer. Mais je m'étais entraîné avec lui, avec son sans vélo, le vélo chargé. Lui d'avance. Tandis que là, j'ai quand même 20 kilos sur mon vélo et bah ça oui. Change la donne. 20 kilos, ça fait. Ça change la donne. Surtout qu'ici, j'ai remarqué que c'était un peu vallonné. Hein, ça monte et ça descend tout le temps. Ça monte plus que ça descend, j'ai l'impression. Demain, pour aller à Rouen, demain matin, déjà, il y aura que le côté de Beaufrène. Bah oui. Déjà, rien que ça au départ. Ouais, ça va calmer. Non, ben je la ferai à pied. Il y en a déjà eu une juste avant, j'ai été obligé de la faire à pied parce que. Ah oui, on peut pas non plus. Là, il va y avoir à côté de Beaufrède demain matin. Il va avoir quoi? Bon, moi ça me dérange pas. 3 km. Bah écoutez, non, c'est kilomètres, vraiment très très gentil. 3 km de temps, et après. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Quand je suis arrivé au PMU, on m'a dit. On va trouver une solution, il n'y a pas de problème. Ah, mais bon, après, forcément, ben, tu sais. Non, on y était en mal. Attends, j'ai eu 5 demandes cette semaine. Ben ouais, ben je devais être en train d'aller au camping. Il est passé juste devant moi à l'église. Ah et bon puis j'ai vu, il s'en allait au PMU. Ah bah tu vois. Moi je croyais qu'il faisait chambre d'hôtel là, au PMU. Non, ils font pas de. Ah non, non, c'est pas. Ah non, non, non, après, après chambre d'hôtel c'est. Chambre d'hôtel c'est. Comment? Quoi? Qui font le chambre d'hôtel c'est. Ah bah après c'est la villa des Houx. Il y a la villa des Houx et après il y a l'autre. Mais non, t'as Mouton Gras. Mouton Gras. Voilà. J'ai entendu parler de ça. Oui, mais j'aurais pu. Non, mais je connais bien le patron. Non, non, je connais bien le patron. Il n'y a pas tant qu'ils sont là, mais on s'est liés d'amitié ensemble. Et il aurait accepté quand même dans sa cour de faire quelque chose. Bon, prends-toi avec ce que tu veux. Tu donnes un verre à lui. Merci, ça va, merci. Il dit qu'il a trop bu au PMU. On m'a servi des verres en trop au PMU. Ah bon? Ah, ça, je sais pas, je suis pas au courant. Moi, je suis pas au courant non plus, là. C'était... Après, je vous avoue que ça me dérange pas en temps normal, mais après 70 km, c'est dur. Ça tape un peu là. Ouais. Heureusement qu'on s'est pas fait arrêter. Boire un coca ou n'importe je vous remercie, quoi, c'est gentil. Je vais. Je peux te tutoyer. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Je m'appelle Franck. Moi, c'est Muriel. Il n'y a aucun mot. Aucun souci. Bah, c'est bien de faire ça. Il y en a beaucoup maintenant qui font ça. Il y en a en ce moment, il y en a beaucoup. L'autre jour, je prends un verre. Moi, je prends un verre. Ils étaient partis en Inde. Et ils faisaient ça avec un tuk-tuk, là. Ils appellent ça les... C'est quoi, là, un tuk-tuk? C'est un... Ah, c'est un vélo où on peut... Il y a des gens qui peuvent s'asseoir derrière. Oui, derrière. Mais il y a un moteur, hein, tu pédales pas. Là, il y avait un moteur. Hein, ah oui, d'accord. Je t'en prends un verre, pas forcément. Il n'y en a pas forcément. Oui, peut-être. Ouais, je sais pas qui est l'autre. Tu me diras, je t'en prends. C'est bien, la Ariane. Ils ont, fait le tour de l'Inde comme ça. Mais non, je ne l'ai pas vu encore, je vais lui dire. Je ne l'ai pas encore vu. Ça prend quelques temps, je pense. Je n'ai pas d'histoire. Non, je ne sais pas si tu le fais. Non, je ne l'ai pas dit, je vais lui dire. C'est moi qui vais lui dire. Eux, ils prenaient des photos partout. Ah ouais, un petit peu, j'essaye. Mais j'en ai encore. Et puis après, ils avaient fait un site internet et ils mettaient toutes les photos de tout ce qu'ils faisaient. Je ne vous mets pas la totalité de la discussion puisqu'elle a duré jusqu'au bout de la nuit. Là, il est... minuit et demi, et je monte cet épisode après notre avoir pu enfin m'extirper de cette discussion qui était alcoolisée. Je suis arrivé dans le logement et il y avait quand même une énorme bouteille de Ricard. Et ils avaient sifflé une bouteille de whisky de 1,5 litre. Donc ils étaient joyeux, on va dire. En tout cas, c'est une rencontre qui m'a touché parce que c'est la première vraie rencontre. Et quelle épopée, hein, après une journée qui a été difficile à vélo. J'étais bien heureux de tomber sur des gens comme ça en fin de journée, ça je peux vous l'assurer. Bon, en tout cas, moi je vais vous laisser, je commence à me fatiguer.